Chapitre 3e, deuxième voyage. Découverte des îles la Dominique, Marie-Galante, la Guadeloupe, Montserrat, Sainte-Marie, Saint-Martin, Sainte-Croix, Porto Rico et la Jamaïque. Le succès du premier voyage de Christophe Colomb avait surexcité les esprits. De tous les points de l'Espagne accoururent des volontaires pour faire partie de la seconde expédition qu'il ne manquerait pas d'entreprendre et que l'opinion publique, avide d'or et des richesses entrevues, demandait à grands cris. Un certain nombre de grands seigneurs sollicitèrent l'honneur d'accompagner l'amiral, qui n'était plus pour eux le pauvre marin génois si méprisé jadis, parce qu'anobli par lettre patente et portant sur ses armoiries cette fière devise que lui avait donnée le roi lui-même, à Castille et à Léon Colomb, donne un nouveau monde. Il le trouvait digne du titre de vice-roi de l'océan Indien, qui lui avait été confirmé pour lui et ses descendants. L'amiral auquel Ferdinand et Isabelle confièrent cette fois une véritable escadre composée de 3 vaisseaux et de 14 caravelles, put choisir ses compagnons. Il partit de Cadiz le 25 septembre, emmenant avec lui 1200 hommes d'aptitudes diverses, des chevaux, du bétail, des instruments pour recueillir et purifier l'or, des graines variées et tous les objets nécessaires à l'établissement d'une colonie importante. Le 1er octobre, il relâchait aux Canaries, à l'île de Fer, où il restait jusqu'au 9 à renouveler ses approvisionnements et attendre un vent favorable qui le poussa en 23 jours en vue des terres nouvelles. Le dimanche 3 novembre, le pilote du vaisseau amiral Marie-Galante signala la terre. C'était une île, à ce point couverte d'arbres, que Christophe Colomb, la croyant inhabitée, ne s'y arrêta pas et se contenta de lui donner le nom de Dominique, qu'elle porte encore aujourd'hui. Il reconnut encore quelques îlots et arriva en face d'une seconde île qu'il baptisa Marie-Galante du nom de son vaisseau. Mais, ayant hâte de retrouver le noyau de colonie qu'il avait laissé à l'île espagnole, il ne s'y arrêta pas non plus. Le lendemain, 3e île. Celle-là, plus grande, était habitée par ces cannibales ou Caraïbes dont l'amiral avait seulement entendu parler pendant son premier voyage. Il envoya un détachement bien armé pour l'explorer, mais les Espagnols ne purent approcher des indigènes qui s'enfuirent à leur aspect. Ils s'emparèrent seulement dans un village composé d'une trentaine de cases en bois, de forme ronde et couverte de feuilles de palmiers, de quelques prisonniers appartenant à une tribu voisine que les cannibales s'apprêtaient à immoler pour les faire servir à leur horrible repas. Des os de bras et de jambes et des têtes fraîchement coupées qu'ils trouvèrent çà et là dans les huttes abandonnées ne leur laissèrent aucun doute sur les mœurs des Caraïbes. Cette île, que Christophe Colomb explora en partie et dont il reconnut les principales rivières, fut nommée par lui Guadeloupe à cause de sa ressemblance topographique avec une province de l'Estramadure. Le 8, on remit à la voile. L'amiral aurait bien voulu toucher une grande île qu'il aperçut en remontant au nord et que les prisonniers recueillis à la Guadeloupe lui disaient se nommer Madanino et être habité seulement par des femmes, dernière indication qui le confirmait encore dans son idée première qu'il naviguait sur les côtes de l'Asie, puisque Marco Polo citait dans sa relation une contrée asiatique où la population masculine était inconnue, mais les vents contraires l'empêchèrent d'y aborder. 10 lieues plus loin, en continuant sa route dans la direction de l'île espagnole, il découvrit une île qu'il appela Montserrat, parce qu'elle était entourée de hautes montagnes, plus loin encore d'autres îles. La première fut nommée Sainte-Marie-Rotonde et les deux autres Saint-Martin et Sainte-Croix. C'est dans cette dernière que l'amiral, voulant s'approvisionner d'eau, fut obligé d'user pour la première fois, et dans l'acception étroite du mot, du droit de conquête qui de tout temps n'a été autre que celui du plus fort. La scène a été rapportée en ces termes par Pierre Martyr, l'historiographe de cette expédition. L'amiral commanda que 30 hommes de son navire descendissent à terre pour explorer l'île, et les hommes, étant descendus à la rive, trouvèrent 4 chiens et autant d'hommes jeunes et femmes au rivage venant au-devant d'eux, étendant les bras comme suppliants, et demandaient des délivrances de l'agent cruel. Les cannibales, voyant cela, tout ainsi que dans l'île de Guadeloupe, fuyant, se retirèrent tous aux forêts, et nos gens demeurèrent 2 jours en l'île pour la visiter. Pendant ce temps, ceux qui étaient demeurés au navire virent venir de loin un canot ayant 8 hommes et autant de femmes. Nos gens leur fit signe, mais eux, approchant, commencèrent à transpercer très légèrement et très cruellement de leurs saguettes les nôtres, avant qu'ils aient eu le loisir de se couvrir de leurs boucliers, en telle manière qu'un Espagnol fut tué d'un trait d'une femme, et cette même d'une autre sagette, en transperça un autre. Ces sauvages avaient des sagettes envenimées, contenant le venin au fer. Parmi eux était une femme à laquelle obéissaient tous les autres et s'inclinaient devant elle, et c'était, comme on pouvait l'apercevoir par conjecture, une reine ayant un fils de cruel regard, robuste, de face de lion, qui la suivait. Les nôtres, donc, estimant qu'il valait mieux combattre main à main que d'attendre de plus grands maux en bataillant ainsi de loin, avancèrent tellement leur navire à force d'aviron, et par si grande violence le firent courir, que la queue dit celui, de roideur qu'il allait, enfondra le canot des autres au fond. Mais les Indiens, très bons nageurs, sans se mouvoir plus lentement ni plus fort, ne cessèrent de jeter force sagette contre les nôtres, tant hommes que femmes. Et ils firent tant qu'ils parvinrent en nageant à une roche couverte d'eau, sur laquelle ils montèrent et bataillèrent encore virilement. Néanmoins, ils furent finalement pris, et l'un d'eux fut oxy et le fils de la reine percé en deux endroits, et furent emmenés sur le navire de l'amiral, où ils ne montrèrent pas moins de férocité et d'atrocité de force que si c'eût été des lions de Libye quand ils se sentent pris dans les filets. Et ils étaient tels que nul ne les eût pu bonnement regarder sans que d'horreur le cœur et les entrailles ne lui eussent tressailli, tant leur regard était hideux, terrible et infernal. Christophe Colomb ne chercha pas à renouveler pareil combat. Il continua sa route au nord, passant au milieu d'une agglomération de petites îles qu'il baptisa archipel des 11 000 Vierges, pour arriver en vue de Porto Rico, qu'il appela d'abord île Saint-Jean-Baptiste, et qui était alors peuplée de Caraïbes. Il allongea la côte méridionale pendant une cinquantaine de lieues, remettant à plus tard une exploration sérieuse, et reprit la pleine mer dans la direction de l'île Espagnole. Il y arriva le vendredi 12 novembre, et quel ne fut pas son étonnement, son chagrin, de n'apercevoir aucune trace de la forteresse qu'il avait élevée et de ne voir aucun des 40 hommes qu'il y avait laissés pour nouer des relations avec les habitants à venir à sa rencontre. Il débarqua, pressentant quelque événement sinistre. Le rivage était désert, tout était silencieux et morne, les indigènes s'étaient enfuis à son approche. Le cacique Guacanagari vint lui donner une explication dont il n'avait même plus besoin depuis qu'il avait reconnu les débris calcinés de sa forteresse, et que la décharge de toute son artillerie, comme appel suprême, était restée sans réponse. Guacanagari lui apprit que les hommes laissés à la garde du fort avaient abusé de leur force, en même temps que de l'innocence des habitants, pour piller les propriétés, violer les droits de l'humanité, et qu'en somme, ils avaient soulevé toute l'île contre eux, à l'exception de lui, Guacanagari, qui avait même gagné une blessure en les défendant. Colomb ne crut rien de cette prétendue intervention du cacique. La cruelle vérité pour lui était que ses premiers compagnons, attaqués dans leur forteresse, s'y étaient longtemps défendus, après quoi ils avaient été brûlés dans leur retraite, ce qui rendait sa tâche d'autant plus difficile qu'il lui fallait maintenant apaiser les habitants et leur inspirer assez de confiance ou de crainte pour n'avoir plus à redouter pareil événement. Il y employa toute son habileté et y réussit assez pour pouvoir entreprendre la fondation d'une ville qui serait la capitale de ses possessions et à laquelle il donna le nom d'Isabelle. Pendant que ces travaux s'accomplissaient, l'amiral, obligé de garder le lit par suite des fatigues d'une longue navigation qui avait déterminé un accès de gouttes, envoya 300 hommes, commandés par Alonso de Orreta et Corbolan, pour reconnaître l'intérieur de l'île, et plus particulièrement la contrée nommée Cibao, où, d'après le dire des naturels, se trouvaient de riches mines d'or. Ces deux gentilshommes découvrirent en effet 4 fleuves dont les sables étaient suffisamment aurifères pour qu'ils aient pu en retirer une pépite du poids de 9 onces. Ils revinrent avec une grande quantité d'or que les indigènes leur avaient échangé contre des verroteries et autres objets de vil prix. À la vue de ces richesses si faciles à acquérir, Christophe Colomb, qui avait déjà inauguré sa capitale par la dédicace d'une église qui s'était faite le jour de l'Épiphanie, en présence d'un concours immense de naturels qui étonnait prodigieusement les cérémonies religieuses, célébrées d'ailleurs avec toute la pompe de cette époque par 13 prêtres espagnols, Christophe Colomb songea à envoyer des nouvelles de la colonie au roi et à la reine d'Espagne. Il chargea de tout l'or recueilli dans l'île et de diverses productions du sol 12 navires qui partirent le 2 février 1494 sous le commandement du capitaine Torres. Il voulut ensuite aller reconnaître lui-même le pays de l'or, mais au moment de partir, il fut obligé de réprimer une sédition qui éclata parmi les Espagnols. Cette révolte lui fit perdre encore un de ses navires, dans lequel, sous prétexte d'une mission en Espagne, il embarqua les plus mutins de ses compagnons sous les ordres du lieutenant Bernard de Pise, dont il avait fort à se plaindre. L'ordre une fois rétabli, il laissa Isabelle son frère d'Andiègue avec le titre de gouverneur et partit avec 500 hommes pour Cibao, qui n'était pas seulement le pays de l'or, mais aussi le pays des épices et des aromates. Le sol y était si fertile que les légumes y mûrissaient en 15 jours et que du blé semé en février pouvait facilement se récolter en mai. Sur un coteau, non loin de la rive d'un fleuve, l'amiral fit construire une forteresse solide qu'il nomma Saint-Thomas pour plaisanter quelques-uns de ses officiers qui se montraient encore incrédules à l'égard de l'or, bien que tous les jours les indigènes vinssent en échanger d'assez grandes quantités contre des perles de verre et surtout contre des grelots dont le son argentin les amusait beaucoup. Il laissa pour garder ce fort, entouré d'un large fossé, 56 hommes, bien approvisionnés, sous les ordres d'un officier nommé Pedro de Margarita, et revint vers le commencement d'avril à Isabelle, où sa présence calma une nouvelle sédition, causée d'ailleurs par le manque de farine et le refus que les nobles hidalgos s'obstinaient à faire de travailler à la construction des moulins. Colon fut obligé de sévir, et les prêtres attisant la discorde, il mit les églises en interdit. Le 24 avril, il reprit la mer avec 3 des 4 navires qui lui restaient pour compléter ses découvertes, après avoir constitué pour gouverner la colonie un conseil composé de 3 gentilshommes et du chef des missionnaires sous la présidence de son frère Don Diego. En descendant vers le sud, il fut bientôt en face d'une île que les naturels appelaient Jamaïque et qui garda d'ailleurs ce nom. Les habitants, industrieux, adonnés même à la pratique des arts mécaniques, étaient d'un caractère peu pacifique. Ils s'opposèrent par les armes au débarquement des Espagnols. Mais bientôt repoussés, ils conclurent avec eux un traité d'alliance. De la Jamaïque, Christophe Colomb, se croyant arrivé au point où les anciens géographes plaçaient la Chersonèse, se dirigea vers l'ouest pour aborder à cette région d'or. Mais des courants très forts le rejetèrent sur les côtes de Cuba, qu'il suivit sur une étendue de 220 lieues, naviguant constamment dans des passages étroits, formés par une quantité si grande de petits îlots qu'il en baptisa plus de 700. Au mois de mai, les îles devinrent plus grandes, plus herbeuses, et surtout plus communément habitées. La relation du voyage de l'amiral dit qu'il pénétra alors dans un fleuve dont les eaux étaient si chaudes qu'on y pouvait tenir la main. Mais ce qu'elle raconte de plus curieux, et surtout de plus vrai, car ce fait est empreint de l'exagération espagnole, c'est la manière de pêcher des habitants de cette côte au moyen d'un poisson nommé Remora, qui jouait auprès d'eux le rôle du chien près des chasseurs. Laissons parler la relation elle-même. Ce poisson était de forme inconnue, ayant corps semblable à une grande anguille, et sur le derrière de la tête, une peau très tenante, à la façon d'une bourse pour prendre les poissons. Et ils tiennent le poisson lié d'une corde à l'espon du navire toujours en l'eau, car il ne peut soutenir le regard de l'air. Et quand ils voient un poisson ou une tortue, qui sont la plus grande que grand bouclier, alors ils délient ce poisson en lâchant la corde. Et quand il se sent délié, soudain, plus vite qu'une flèche, il assaille le dit poisson ou tortue, jette dessus sa peau en manière de bourse, et tient sa proie si fermement, soit poisson ou tortue, par la partie apparente hors de la coque, que nullement on ne le lui peut arracher si on ne l'arrache à la marge de l'eau, la corde petit à petit attirée et assemblée, car sitôt qu'il voit la splendeur de l'air, il laisse incontinent sa proie. Et les pêcheurs descendent autant qu'il est nécessaire pour prendre la proie, et la mettant d'eux dans leur navire, ils lient le poisson chasseur avec autant de cordes qu'il lui en faut pour le remettre en son siège et place, et avec une autre corde, lui donnent pour récompense un peu de viande de la proie. Pendant les premiers jours de juin, Colomb fut obligé de relâcher pour adouber ses navires sérieusement endommagés par les bas-fonds, puis quitta la terre de Cuba, sur laquelle il avait fait de fréquentes prises de possession, pour revenir à la Jamaïque, dont il suivit toute la côte sud jusqu'à son extrémité orientale, dans l'intention de pousser plus avant pour assaillir les îles Caraïbes et détruire la race de cannibales qui les infestait de leurs sanglantes hécatombes humaines. Mais, accablé de fatigue et surtout des soucis d'une navigation périlleuse dont il avait toute la responsabilité, il tomba gravement malade et dut revenir à l'île espagnole pour y chercher la santé. Il n'y trouva pas le repos. La colonie était en proie à des dissensions funestes et à la veille d'une guerre affreuse. Les dissensions venaient de ce que le gouverneur du Fort Saint-Thomas avait exaspéré les indigènes par de cruelles exactions. dont Diègue lui avait fait des remontrances qui avaient été si peu écoutées que le gouverneur s'était embarqué pour l'Espagne avec ceux qui avaient pris parti pour lui sur un avenir qui venait d'amener Don Barthélemy, le second frère de Colomb. La guerre était imminente avec les naturels du pays. Pascalfond de Ojeda, chargé de punir le cacique Aonabo, qui s'était révolté contre le gouverneur de Saint-Thomas, avait employé un moyen dont la perfidie avait soulevé l'indignation de tous les habitants. Il était venu trouver ce cacique au milieu des siens, sous prétexte de réconciliation, et lui apportant de nombreux présents parmi lesquels se trouvaient des menottes. Ignorant l'usage qu'on faisait dans les pays civilisés de ces bracelets de fer, le cacique se laissa persuader que c'était un des ornements des rois d'Espagne et consentit à s'en emparer. Mais il ne les eut pas plutôt au poignet qu'on le lia sur le cheval d'Ojeda qui s'enfuit au galop avec ses compagnons. Ce rapt était odieux. Il avait peut-être son excuse, au point de vue de la conquête, dans le besoin qu'avait Christophe Colomb de ne pas laisser contester l'autorité qu'il avait déléguée à ses représentants, mais il eut des suites fâcheuses. Le cacique prisonnier fut embarqué pour l'Espagne sur un navire qui fit naufrage et on n'en entendit jamais plus parler. Ses sujets prirent patience quelque temps. Ils étaient habitués par l'amiral à être traités avec douceur et s'attendaient d'un jour à l'autre à se voir rendre leur cacique sain et sauf. Mais quand ils virent arriver 4 vaisseaux pleins de nouveaux ennemis, ces navires, commandés par Antonio de Torres, apportaient à Christophe Colomb les compliments du roi et de la reine et l'assuraient que Ferdinand venait d'établir un service mensuel de transport entre l'Espagne et la colonie, quand ils apprirent surtout qu'ils ne reverraient jamais Caonabo, mort dans un naufrage, leur indignation ne connut plus de bornes et sous les ordres des frères de la victime, eux et tous les habitants de l'île se réunirent au nombre de 100 000, dit le journal de l'amiral, mais il faut faire la part de l'exagération espagnole, pour attaquer les Européens. Christophe Colomb, à peine rétabli, accompagné de son frère Barthélemy et du cacique Guacanagari, fidèle à ses amis les Espagnols, marcha contre les révoltés, dont il eut d'ailleurs assez bon marché, avec 200 fantassins bien armés, 25 cavaliers et 25 chiens. La nombreuse armée indigène fut mise en déroute et les caciques entrèrent en composition. Les Indiens voisins des mines durent payer tous les 3 mois, à titre de tribut, une petite mesure d'or. Les autres, plus éloignés du précieux métal, furent taxés à 25 livres de coton. Cette victoire ne rétablit qu'en apparence l'autorité de l'amiral. La révolte n'était pas éteinte. À la voix de la veuve de Caonabo, elle se ralluma plus terrible que jamais. Car elle ne disputa pas l'avantage en bataille rangée, elle fit la ruine autour de ses ennemis, incendiant les champs de maïs, détruisant toutes les plantations et se réfugiant dans la montagne. Les Espagnols, réduits alors à toutes les horreurs de la disette, se livrèrent à de si terribles représailles qu'on affirme que le tiers de la population indigène périt, tant par la faim et les maladies que par les armes des Européens. Ici commence pour Christophe Colomb la période des revers. Pendant qu'il luttait de toutes armes, et plus souvent par la diplomatie que par le fusil, pour établir son autorité chancelante à l'île espagnole, il était odieusement calomnié à la cour de Ferdinand. Les officiers qu'il avait renvoyés pour insubordination l'accusaient hautement d'injustice et de cruauté. Margarita, qui n'avait pourtant à se plaindre que de Don Diègue, et un moine nommé Royle, qui n'avait à se plaindre de personne, arrivant plus tard, grossirent encore les attaques auxquelles Ferdinand n'avait pas trop pris garde, mais ils insinuèrent que Christophe Colomb cherchait à se rendre indépendant. Le roi alors crut devoir agir. Il nomma Jean d'Agado commissaire chargé de se rendre aux Indes occidentales pour apprécier les faits incriminés. Christophe Colomb était pour ainsi dire condamné d'avance, car si Agado n'était pas son ennemi personnel, c'était au moins un esprit partial et prévenu. D'ailleurs, lorsqu'il arriva à la colonie, au mois d'octobre, l'amiral, occupé d'exploration, était absent, et Agado traita Don Diègue avec autant de hauteur que celui-ci, en vertu de son titre de gouverneur général, refusa de se soumettre à ses injonctions. Cela suffit comme information à Agado, qui se disposait déjà à se rembarquer, quand un ouragan terrible engloutit dans le port les vaisseaux qu'il avait amenés. Sur ces entrefaites, Colomb revint à Isabelle et lut la générosité, n'ayant plus que 2 caravelles en état de tenir la mer, d'en mettre une à la disposition du commissaire royal, se réservant l'autre pour aller se justifier auprès du roi. Agado accepta cet arrangement assez à contre-cœur et pressa le départ. Mais de nouvelles mines d'or ayant été découvertes dans la colonie, il n'eut plus si hâte de faire son rapport. La convoitise coupa court à toute discussion. il ne fut plus question du roi d'Espagne, ni de l'enquête qu'il avait ordonnée, et tout le monde courut aux nouveaux terrains aurifères. On y trouva des pépites pesant jusqu'à 20 onces et un bloc d'ambre du poids de 300 livres. L'amiral mit les mines en exploitation, fit construire, pour protéger les travailleurs, une forteresse sur la limite de la contrée de Cibao et une autre sur les bords de la rivière Aina, puis, pressé de se rendre en Espagne, pour faire cesser les accusations dont on salissait son caractère et son nom, il fit appareiller les carabelles qui quittèrent le port Sainte-Isabelle le 10 mars 1496. Le 12 juin, elles entraient à toute voile dans le port de Cadiz, où Christophe Colomb ne fut pas reçu comme à son premier retour. Non seulement les populations, qui ne voulaient pas prendre de parti avant que la cour eût décidé, ne l'acclamèrent pas, mais ses compagnons eux-mêmes, froissés de ne pas rapporter la fortune pour laquelle ils avaient couru tant de dangers, se montrèrent injustes envers lui. Ils ne l'accusaient pas ouvertement, mais leur attitude le condamnait. Cependant, le grand navigateur fut reçu à la cour avec une faveur assez marquée qui changea le courant de l'opinion publique. D'ailleurs, le récit de son second voyage, qui fut bientôt connu par toute l'Espagne, était loin d'être décourageant, et à part les ennemis et les envieux, il lui reconquit tous les esprits.